elle ne bâtit la maison. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous de bon matin, vous couchez-vous tard, mangeant le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Sa paix coule pendant la nuit. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main du héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront point confondus.